ka va chanje pou yo. Mwen soti dan zan trai yon fam ki pou te men ne pa la van ki pa mwen 18 mwa dete depi mte do piti piti la mwen vin dan yon fam bam la vi men se fam ki tout bonem se pou tèt sa je diam ap chante pou mande respect pou fam. Mal, Mais c'est pas bon. Pas caché, dis non, pas bon. Même si je me suis mal à bouillot, mais je vous dis, c'est pour moi bien à bouillot. Parce que je suis maman tout. Oui, je suis maman tout. Oui. Ce travail, nous parlons fort mal, parlons fort mal. Mais année ça, ça change. Pour moi, si je répare, bagaille là. Pour me retirer, bagaille là. Pour moi, je retire, bagaille là. On n'a pas les fort mal, mais pas les fort mal encore. Parce que je suis maman tout. Parce que l'autre doit regarder. Une maman. Une maman. Il va t'être 9 mois. Il va 18 mois d'été. Aïe. On m'a dit de s'offrir, mon cher. On sait, il faut que reconnaissance. Pour te mettre volet. Depuis c'est maman, maman net. Et le connaît comme petit, il connaît net tout. Quelque chose à Saoudi, elle accepte. Parce que c'est petit, lui. Il saute dans la scène. Et puis le connaît le bagage qui est plus important, le fait vous encore. Qui bagage vous comprenez. Tu arrives à t'aider deux fois. Ou t'aider deux fois. Maman, on va 9 mois tété, et puis 18 mois dans votre là. On question d'air, ou prend la rue. En passant, ou tété deux fois. Respect pour famille.